sur le 89.5 Dio et le 90.9 Radio Onden, Radio Dio associée, les radios associatives en Loire-Sud. Toujours en direct de Tatou Juste, le 19e rendez-vous de la transition écologique. 19e édition en effet qui vient de s'ouvrir ce matin 10h, qui se poursuit jusqu'à ce soir 19h, ici même au Parc Expo. Physiquement, ça se passe ici au-delà du poste ou de derrière le poste ou derrière l'écran si vous nous suivez en stream également. Et ce sera également chose renouvelée demain pour la deuxième journée en ce 24 novembre, toujours Parc Expo, pour ce Tatou Juste. Nous alternons toujours rencontres, interviews, échanges, tables rondes. Et nous accueillons de nouveaux invités en ce début d'après-midi, 13h15 sur nos stations de ce samedi 23 novembre. Nous avons reçu tout à l'heure Baptiste Milondeau, conférencier. Il était invité à l'occasion de la table ronde « Construire du foncier solidaire ». Baptiste Milondeau, qui enseigne les sciences sociales et la philosophie politique à Sciences Po Lyon, sera aussi présent en conférence tout à l'heure à partir de 17h. Ce que nos salaires disent de nous, qui est paru aux éditions Payot. Car vous le savez, des conférences sur l'espace conférence de Tatou Juste sont proposées. Une sélection faite par Tatou Juste sur la base d'ouvrages bien souvent parus dans l'année et qu'a sélectionné Tatou Juste les invitants, ces conférenciers, conférencières sur ce rendez-vous de la transition écologique. Et c'est le cas en ce début d'après-midi avec une conférencière qui interviendra tout à l'heure, ce sera à partir de 14h d'ici quelques instants. C'est Brigitte Lapouche-Desjean qui est avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bienvenue sur nos stations. Et alors vous êtes accompagnée en ce début d'après-midi parce que la thématique que l'on va aborder va être rejointe par des initiatives locales. Jean-Marie Lestret est avec nous. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie, pour une nouvelle initiative, un collectif. Envers terre. Non, en terre vert. En terre vert. Pourquoi je... Pourquoi je fais la bascule comme ça ? Je sais pas, Lionel. En terre vert. Pourquoi j'ai dit ça ? Envers terre, plutôt. En terre vert. Marc, ça marche dans les deux sens, finalement, un petit peu. Pourquoi pas ? En terre vert, il y a une journée de lancement au Café Associatif et Coopératif Café Lecture, le Remue Méninges. C'était il y a quelques jours, le 16 novembre. Ouais. Tu vas pouvoir nous présenter ce collectif et la démarche que vous lancez et initiez. Et puis encore, à vos côtés, une troisième personne, Florence Valdès. Bonjour. Bonjour. Et alors, on va parler, ça fait partie des thématiques que j'avais justement sélectionnées et abordées. Donc finalement, et vous tombez à point nommé, vous allez nous parler d'humusation, Florence. Oui, c'est ça, hein. Humusation. Ah, voilà, ouais. Donc on va évoquer tout cela pour parler de deuil, mais pas seulement, de funérailles. Brigitte Lapouche-Desjean, vous avez réalisé un ouvrage, Funérailles écologiques, qui est paru aux éditions Terre Vivante, que vous avez là et que nous avons du coup sous les yeux, que vous allez présenter plus amplement durant la conférence proposée tout à l'heure à 14h. Il s'agit de funérailles écologiques. Alors, expliquez-nous, parce que ce n'est pas forcément que votre spécialité. Vous êtes par ailleurs jardinière paysagiste. Vous collaborez à plusieurs magazines, presse on va dire spécialisée, et avez créé les jardins de l'Albarède, qui se visitent en Dordogne. Donc on dépasse là la question du jardinage et du paysagisme. Pour cette question des funérailles écologiques, comment vous est venue l'idée de travailler sur cette question ? Eh bien, déjà par le côté environnement, puisqu'on a eu en 2017 la loi zéro phyto qui a fait que la nature est revenue au cimetière. Donc pour moi, ça a été une thématique très importante. Ça voulait dire qu'on arrêtait de mettre des désherbants, des herbicides, des antigerminatifs sur les sols des cimetières déjà extrêmement pollués et qu'on les raccrochait plutôt à la thématique des jardins. Donc ça a été une première chose. Et la deuxième chose, ça a été les obsèques de mon père. Puisque moi, dans ma famille, la mort n'a jamais été un tabou. On en parlait, mais moi, j'ai toujours eu l'impression que tout était organisé et que tout allait rouler normalement. Et quand mon père est décédé, ma maman a complètement lâché l'affaire. Et je me suis retrouvée en première ligne à devoir organiser. Et quand on n'a jamais organisé d'obsèques, je peux vous assurer que c'est un sacré défi et que c'est une drôle d'aventure, surtout quand on a dans un coin de la tête le mot écologie qui sonne à chaque fois. Il faut faire très vite, il faut aller très vite, il faut faire des choix. Et c'est pour ça que j'ai coécrit ce livre avec ma collègue Laetitia Royan, qui est sous-titré « Survie en milieu funéraire », puisqu'il s'agit vraiment de ça. C'est arriver à décrypter tout ce qu'on nous présente et arriver à faire des choix en pleine conscience. Et c'est ça qui n'est pas facile. Et c'est ça qu'on a voulu préciser dans ce livre. Alors, choix et décisions que vous avez pu faire confronté à cette expérience malheureuse du deuil, où vous avez dû finalement fonctionner de façon assez, je dirais, classique, c'est-à-dire quand on est face à cette situation, comme vous le dites, pressée par le temps, par mille choses organisationnelles, vous avez dû organiser des obsèques, je dirais, plutôt classiques, en réfléchissant pour la suite à d'autres alternatives possibles, où vous avez fait le choix à ce moment-là, justement, d'opérer de suite un changement à l'occasion du décès de votre papa. Comment dire ? J'ai fait au mieux. Et c'est ça, je pense, qui est important de dire aux gens, c'est qu'il ne faut jamais se dire on n'est pas allé assez loin ou on n'a pas fait les bons choix. Dans ces cas-là, on est dans un tel état émotionnel qu'on fait au mieux. Donc oui, plus on a d'informations et plus ça va aller et plus on va pouvoir faire des choix en conscience. Après, moi, j'ai fait des choix tout à fait écologiques dans les parties où mon cerveau pouvait encore faire des choix. Mais il y a certaines parties qui étaient déjà là, qui étaient déjà établies, sur lesquelles je n'ai pas pu avoir d'influence. De marge de manœuvre. Oui, mais l'idée aussi du livre, c'est de dire si on en parle en famille, si on travaille ce sujet-là en amont, en fait, on peut complètement faire des obsèques écologiques aujourd'hui. Parce que c'est d'aujourd'hui dont je parle, moi. Jean-Marie, Florence, on travaille pour demain. Et moi, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour rejoindre l'écologie dans le processus des funérailles? Et là, il y a beaucoup à faire. Et ce qui est rassurant, c'est de se dire que la loi qui préside aux obsèques en France date de 1887. Et la loi ne dit pas que c'est les pompes funèbres qui décident, mais qui disent que c'est le défunt qui décide ou la personne qui pourvoit aux funérailles, c'est-à-dire je décide de mes obsèques. Et ça, c'est très, très important. Lors des obsèques auxquelles vous avez été confronté, quel justement choix vous avez pu opérer, à quel endroit ça a pu se passer? Vous avez pu effectivement avoir marge de manœuvre et initiative possible? Alors, depuis, on a eu, hélas, si on peut dire, mais c'est la vie aussi, hein, d'autres décès dans la famille. Et là, tout change, en fait. On fait les premiers choix très, très vite. Choisir si on fait une toilette, si on fait intervenir un thanato, c'est-à-dire la formalisation des corps, ça, c'est déjà une décision hyper importante. Après, la forme de la dernière demeure, si on est en plein terre, si on choisit de faire un caveau, c'est pas du tout le même impact environnement. Si on choisit de planter les tombes, si on abandonne l'histoire des caveaux, des stèles, des marbres, etc., on est complètement dans une démarche écologique. Et si tout le monde, on peut imaginer quelque chose de formidable, mais si tout le monde se mettait à planter les tombes, les cimetières redeviendraient des jardins, ce qu'ils étaient à l'origine. Ce qu'on oublie, c'est qu'au Moyen-Âge, par exemple, les cimetières étaient des lieux de rencontre, des lieux où on organisait des foires. Maintenant, on a tellement aseptisé, on a tellement mis des barrières entre la mort, la société, et les vivants, qu'on n'ose plus, au cimetière, on n'ose plus rien faire. Les maires déploient des stratégies pas possibles pour qu'on n'y mette plus les pieds. Il est interdit de tout. Interdit de boire, interdit de manger, interdit de... Mais c'est complètement aberrant. Rien, à part leur volonté, mais rien ne l'interdit. On peut tout à fait revenir au cimetière. Et ce qui est encourageant, c'est qu'il y a de nombreuses grandes villes qui ont pris ça en main et qui font des cimetières, des jardins, pas tout à fait comme les autres, mais qui revivent. Oui. Alors, effectivement, les cimetières sont peut-être peu ouverts, ou ils le sont sous certaines entrées possibles, je dirais, celles patrimoniales notamment. Je me souviens avoir visité le cimetière du Cré de Roc à Saint-Étienne, organisé par le service Art et Histoire de la ville de Saint-Étienne, qui permet de parcourir ce lieu et donc qui est aussi chargé d'histoire et de mémoire de ceux, celles qui ont fait la ville. C'est bien souvent sous cet angle-là. On reparle peut-être de cette intention, comme vous la présentez, Brigitte, par, je dirais, les cimetières animaliers, qui peut-être rejoignent davantage cette idée et intention aujourd'hui de jardins plus peut-être ouverts et plus verts, tout simplement, peut-être. Oui, tout à fait. Et puis, moi, je trouve que ce qui est très inspirant, c'est... Alors, on a dans la tête le Père Lachaise où personne ne discute l'emprise des arbres. Mais il faut savoir que dès les années 70, les cimetières du Pays Basque ont pris cette décision en main, c'est-à-dire d'avoir de la verdure, d'avoir au minimum des caveaux, des tombes, de minéraliser au minimum pour eux garder leur tradition. Quelque chose qui se réveille en ce moment en Bretagne. qui va se faire sur Toulouse, puisqu'on va avoir une partie du cimetière, d'un grand cimetière qui va être végétalisé, qui se fait à Nantes, où à Nantes, ils sont en train de faire un truc incroyable, c'est l'extension du jardin botanique sur le cimetière de la Bouteillerie. C'est-à-dire que les tombes qui vont être reprises, les reprises de concession vont être végétalisées. Donc c'est dans l'idée que les gens se réapproprient ces lieux, aillent les visiter. On a les printemps des cimetières au niveau national qui est organisé, et c'est pour rapprocher les citoyens de ces lieux. Pour voilà, le patrimoine, c'est hyper important, le patrimoine des villes qui s'inscrit là. Surtout, bon, Saint-Étienne, ça doit être extrêmement marqué. J'ai pas encore visité les cimetières, mais ça doit se lire sur les tombes, dans la vie des cimetières. Et puis on a aussi tout ce qui est l'écologie avec la pose de nichoirs à oiseaux, refuge à chauves-souris. C'est ça qui est formidable, quoi. C'est qu'on peut revenir au cimetière. Que ces lieux de mort soient aussi des espaces et des lieux de vie. Des lieux de rencontre et des lieux de vie où on peut amener les enfants, où on peut retrouver des amis. Ou à Bordeaux, on peut pique-niquer, clairement. Il y a des bancs qui ont été installés et des lieux qui ont été dédiés à ça. Alors, comment avez-vous procédé pour l'écriture de cet ouvrage ? Quels en sont un peu les, peut-être non pas seulement en termes de chapitrage ou de sommaire, mais au moins quelles entrées et quel angle d'attaque vous avez adopté pour l'écriture de ce livre ? Alors, on a beaucoup travaillé. Je crois que c'est le livre sur lequel j'ai le plus travaillé parce qu'on ne voulait pas donner de fausses pistes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup voyagé. On est allé visiter des cimetières, à la fois des cimetières qui bougeaient, des cimetières plus classiques, mais qui avaient un œil attentif aux besoins des populations. Des cimetières, le premier cimetière écologique en France, qui a été créé à Aigleton, dont plus personne ne parle, mais c'était une belle histoire. C'était à la fois l'écologie, c'était faire un jardin, et c'était un cimetière marquant socialement, parce que le maire avait interdit que les tombes dépassent 40 cm de haut. C'est-à-dire qu'on pouvait planter des arbustes, mais on n'avait pas le droit d'avoir des stèles ostentatoires, parce qu'il estimait que la dernière demeure devait être lissée pour chacun, et qu'il n'y avait aucune raison que les familles nanties puissent avoir des monuments. Ça, c'était une belle histoire. Donc voilà, on a vu beaucoup, beaucoup de cimetières, on a rencontré beaucoup de gens, donc les gens qui œuvrent dans le milieu du funéraire, on a rencontré des fossoyeurs, on a rencontré des marbriers, on a rencontré des gens rattachés aux espaces verts, on a rencontré des directeurs d'entreprise, on est allé voir les fabricants de cercueils, on a vraiment tout brassé et on a vu que c'était un milieu... qui a des difficultés en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales qui sont rachetées par des gros groupes. Et là, on a une notion de rentabilité qui s'installe et on y perd beaucoup d'humanité. Mais par contre, dans les petites entreprises familiales, c'est juste extraordinaire, quoi. C'est des gens qui ont une humanité, qui ont un regard sur l'autre, un accompagnement aux petits points. Et ça, c'était très, très encourageant pour ce livre, parce qu'on a reçu beaucoup de courriers. Après, on a été... on a vraiment reçu des commentaires très positifs par rapport à tout ce travail-là. Donc, c'était un grand travail d'immersion dans le milieu funéraire pendant 4 ans, autant sur le contenu que sur les photos aussi, parce que j'ai un mari qui a un peu plus de difficultés que moi peut-être avec la mort, et on l'a amené de cimetière en cimetière pendant 4 ans pour les photos. Et vraiment, je ne remercierai jamais assez de cet accompagnement. Oui. Alors, travail de collectage aussi, d'immersion, d'observation, pour finalement, si on veut tenter d'avancer aussi sur cette question, vu qu'en ce qui nous concerne là, le temps est un peu resserré, vous aurez davantage de temps en conférence, mais pour quelle issue possible, quelle piste finalement qui pourrait être délivrée à l'issue de ce travail d'abord, d'enquête, et de cet ouvrage ? Des funérailles écologiques, en fait, qu'est-ce que cela recouvrerait et quels seraient les possibles ? Alors, ce qu'on a voulu faire d'abord, c'est collecter tous les possibles actuels et s'appuyer sur les textes de loi. Donc, on a ingurgité toutes les lois, tous les décrets, tous les amendements qui ont été faits qui sont liés aux funérailles. Ça aussi, c'était un gros travail. Mais chaque fois qu'on a proposé une alternative, moi, je dis que ce livre est fait de chemins de traverse et qu'on invite les gens à le parcourir pour savoir ce qui va correspondre à chacun. parce que ce n'est pas moi qui peut décider ou qui peut dire à quelqu'un « Ah ben, tu devrais faire ça ou ça ». Oui, maintenant, on sait que l'inhumation en pleine terre, sans monument, sans soins de thanato, avec un cercueil en bois brut, sans avoir tout l'habillage polyamide et tout le, voilà, toute la, les éléments de foire-fouille qu'on peut mettre à l'intérieur. Si on plante la tombe, oui, on va être dans de l'écologie. Ça, c'est sûr, on va être mieux qu'au niveau de la crémation. Donc, plutôt l'inhumation en pleine terre. Mais vraiment, je répète, moi, je ne veux pas être réductrice et je ne veux pas... il faut vraiment que chacun s'interroge et que chacun suive le chemin qui s'est, dans lequel il se sent bien. Parce qu'on ne meurt qu'une fois quand même. Et c'est bien de le préparer. Et puis de préparer ça en famille aussi. De ne pas oublier cette notion collective dans le cercle familial. Pas se couper des autres. Et je pense que le jour où on en aura besoin, on laisse cette directive dans le livret de famille. Puisque c'est la pièce principale pour déclarer les décès. Donc quelqu'un les trouvera. Mais c'est bien d'en avoir parlé avant et puis d'avoir imaginé avec toute la famille quelle sera la feuille de route, qui pourra intervenir et comment. Parce que du coup, on passe de ce deuil subi à un deuil actif. Et ça, c'est extrêmement important pour les vivants. Et un deuil choisi, mais alors là se pose la question, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment le choix? Malgré toutes les volontés que l'on peut projeter sur son propre deuil et son propre décès, il y a une loi cadre, vous l'avez rappelé, qui date d'ailleurs. Est-ce que véritablement, on peut mourir comme l'on veut? On a quand même le choix. On a le choix entre l'inhumation et la crémation. On a le choix entre disparaître totalement avec la dispersion des cendres ou oui, pas. On a le choix. On peut par exemple disperser les cendres où l'on veut. Est-ce que tout cela est cadré, j'imagine? C'est cadré, mais on a quand même énormément de choix. On peut disperser les cendres en forêt, on peut les disperser en mer. Voilà, on peut. Le cadre est quand même assez large. Le problème, c'est qu'on ne l'utilise pas, ce cadre. On le connaît mal et on se pose soi-même des contraintes. Et les organismes de pompe funèbre ne nous aident pas trop dans ce sens-là. Le cadre dit qu'on ne peut pas disperser dans des lieux qui sont aménagés. Mais par exemple, si on a un grand jardin, ou si des amis ont un grand jardin avec un bosquet au fond du jardin, où on ne va pas intervenir, un petit bout de forêt, un petit coin de permaculture, par exemple. Mais rien n'empêche de disperser à cet endroit-là. C'est un endroit qui est non aménagé. Il s'agit seulement là de dispersion de cendres, parce que je me rappelle avoir rencontré aussi cette problématique lors du Covid, par exemple, qui a été quand même aussi une période très particulière concernant les périodes d'obsèques et de deuil et de funérailles, bien souvent impossible d'ailleurs, hein, de par les confinements. On peut disperser où l'on veut, mais... est-ce que c'est vraiment le cas et est-ce qu'il n'y a pas d'autres dispositions, de même les urnes par exemple qui contiennent les cendres, est-ce qu'on peut inhumer une urne où l'on veut? Enfin voilà. Alors la loi sur les cendres est une loi qui est arrivée plus tardivement et qui a assimilé les cendres à un corps. Donc on ne peut pas l'inhumer où on veut. Quand on voit sur internet, il y a beaucoup de gens qui épluchent les avis quand on dit qu'on peut enterrer une urne au pied d'un arbre. Non, on n'enterre pas une urne au pied d'un arbre, ça c'est sûr. Ça va pouvoir se faire sur des sites cinéraires si les communes s'emparent du sujet, si elles plantent des espaces dans les cimetières. Comme ça, il y en a qui commencent, ça commence à frémir de ce côté-là. Oui, à ce moment-là, on pourra planter l'urne au pied d'un arbre, mais ça sera un espace dédié, comme un caverne, comme un columbarium, mais au niveau du sol. Mais ça bouge parce que les gens sont demandeurs de ça, parce qu'on n'a pas envie de. Maintenant, on n'a plus envie, les générations qui arrivent n'ont plus envie de stocker les urnes dans des espèces de machins, des HLM, tiroirs, voilà, des tiroirs avec des cases qu'on ne peut pas personnaliser. Parce que si on décide de laisser l'urne dans le cimetière, c'est parce qu'on décide de perpétuer le souvenir. Mais est-ce qu'il est très joli, ce souvenir, dans ces cases aménagées? Moi, j'en suis pas très, très sûre. Et souvent, les gens disent « on m'a obligé à faire ça ». Eh bien, non, dans ce cas-là, il vaut mieux acheter une tombe de pleine terre, une concession. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'une concession, on peut tout à fait inhumer une urne à l'intérieur. Et à ce moment-là, on la plante et ça devient quelque chose de personnalisé. En plus, sur une concession, on peut en planter beaucoup d'urnes. Donc ça change la donne. Mais il faut vraiment avoir un regard... faut chercher son chemin et surtout les chemins de traverse. Alors, donc petit point de détail, mais finalement, on ne peut pas inhumer une urne, mais on peut répandre les cendres par contre au pied d'un arbre. On ne peut pas le planter au pied d'un arbre, mais on peut les répandre au pied d'un arbre. On peut les répandre au pied d'un arbre en forêt. Donc, voilà, moi, ça me gêne toujours de dire au pied d'un arbre, parce que cet arbre-là, il n'est pas perpétuel. Si un jour le propriétaire de la forêt décide de tout couper, l'arbre disparaîtra et le lieu du recueillement aussi. Ça peut être difficile. Oui. Alors, on a là deux autres personnes qui vont aussi être présentes à l'occasion de votre conférence. Peut-être pas pleinement sur les mêmes registres, mais on est quand même tout à fait en lien sur cette question. Alors, je ne sais qui veut commencer. Peut-être Florence Valdez, puisqu'on parle de mise en terre. L'humusation, ça, c'est quelque chose aussi dont on entend de plus en plus parler. D'abord, expliquez-nous... En quoi ça consiste ? Et quoi vous représentez finalement ? Oui. Alors en fait, je suis présidente de l'association Humusation France, qui a été créée en 2021, fin 2021, pour représenter un nouveau mode de sépulture qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore légalisé en France. Et c'est tout l'objet de l'association. C'est justement de porter notre voix auprès des pouvoirs publics pour faire en sorte que l'humusation soit une alternative funéraire écologique aux deux pratiques existantes, comme l'a très bien expliqué inhumation Brigitte. Et crémation. Voilà, inhumation et crémation. Mais alors humusation, justement. Alors l'humusation, c'est en fait la transformation du corps d'un défunt de façon la plus naturelle possible en humus. L'humus étant cette terre fertile que l'on trouve au niveau du sol dans les forêts. Donc en fait, l'humusation, c'est vraiment essayer de refaire ce que fait la nature au niveau de la vie des sols en forêt et de l'appliquer à un mode de sépulture pour que ce soit le plus naturel possible, qu'il y ait le moins d'impact environnemental possible. Voilà, contrairement aux pratiques actuelles. C'est-à-dire qu'il s'agirait de mettre en terre le corps. Alors, attention, l'humusation n'est pas une forme d'inhumation. C'est-à-dire que l'humusation correspond à un procédé très particulier. Et en fait, l'humusation, pour que ça fonctionne au mieux, le corps n'est pas enterré. Le corps est déposé sur un lit de broyat végétal qui ensuite, le corps est recouvert d'environ 2 mètres cubes de ce broyat végétal. Et c'est donc, excusez-moi de rentrer dans les détails, mais le microbiote intestinal du défunt, etc., plus le broyat, plus la microfaune à un moment donné, qui vont justement collaborer pour participer à la décomposition naturelle du corps du défunt. Parce que de toute façon, on en arrive là. C'est-à-dire qu'une inhumation, le problème qui se passe avec les inhumations à l'heure actuelle, telles qu'elles sont pratiquées, sauf lorsqu'il s'agit d'inhumation pleine terre, mais la plupart du temps, tout est fait pour retarder le processus de décomposition. Et plus on retarde ce processus, plus ça devient polluant. En quoi cela devient polluant ? De par exemple, le cercueil, qui peut être Il y a plusieurs aspects. Il y a bien évidemment, quand vous avez un cercueil entouré de capitons, fait de matière synthétique, de tissu synthétique, le vernis lui-même, enfin le cercueil va être verni, et le corps même du défunt, la plupart du temps, à l'heure actuelle, les soins de conservation, qu'on appelle la thanatopraxie, se pratiquent à plus de 50%. Donc, vous imaginez, c'est 6 à 10 litres de produits formolés qui vont remplacer les liquides du corps, présents dans le corps, qu'on va retirer, on va remplacer par cela. Et en France, contrairement aux autres pays en Europe, cela est autorisé, y compris pour les crémations. Or, quand ces produits-là vont être consumés, en fait, ça va se transformer en dioxine. Donc vous imaginez la pollution atmosphérique que cela crée au niveau des défunts qui bénéficient de ces soins de conservation, mais qui vont subir également la crémation. D'accord. Alors, on n'a pas tellement non plus de temps pour pouvoir développer, mais cela me pose question, parce qu'on a eu le 1er novembre et la Toussaint Fête des Morts il n'y a pas très longtemps. Et j'ai pu voir aussi là, quelques initiatives en la matière, par exemple des cercueils... Alors, je dirais pas bio, mais en tout cas non traité, qui était proposé. Je crois qu'il y a une association, une structure locale qui... Pivert, qui travaille en ce sens. Est-ce que vous rejoignez cette idée? Est-ce que, par exemple, le fait de ne pas subir de thanato, en praxie, d'être, on va dire, être positionné dans un cercueil en conditions, je dirais, raisonnables et mis en terre, est-ce que cela, puisque finalement au terme, c'est la même chose qui se passe, on finit en terre de toute façon, est-ce que la démarche là, vous adhérez à cette démarche là ou elle est complètement distincte et c'est encore autre chose techniquement que vous défendez? Alors, je vais répondre à vraiment de façon personnelle par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, légalement, l'humusation n'existe pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, si je décédais demain, par exemple, j'opterais effectivement pour une inhumation pleine terre dans un cercueil en carton avec absolument pas de soins de conservation. Voilà ce pourquoi j'opterais. D'accord. Mais l'humusation va encore plus loin que ça. Voilà. Donc, l'humusation, c'est normalement la non-utilisation du cercueil. Parce que, par exemple, si je m'en réfère aux chiffres de 2022, rien qu'en France, il y a eu plus de 675 000 décès. Donc, vous imaginez 675 000 décès, donc autant de cercueils. Donc, ça a un impact très important sur la gestion des forêts, etc. Absolument. Et on est obligé de couper des arbres sains pour fabriquer des cercueils qui vont soit pourrir au fond des cimetières, soit être brûlés en l'espace de quelques heures. Vous voyez un petit peu le... Oui, donc nous, on va encore plus loin au niveau écologique. D'accord. Donc pour l'heure, en tout cas, il n'y a pas de législation en la matière. C'est un travail en cours, justement, d'informer déjà aussi et de faire remonter aussi pour c'est davantage ça. De connaissances et éventuellement de légiférer en... Voilà, nous sensibilisons le grand public et nous sensibilisons les élus également par rapport à tous les avantages que pourrait procurer l'humusation. Alors, vous faites partie d'Humusation France. Ça veut dire qu'il y a des antennes aussi locales Oui, l'association est nationale. Et en fait, on a des référents, locaux. Oui, c'est ça exactement, dans les différentes régions, mais qui dépendent d'Humusation France. D'accord. Un site internet peut-être d'information? Oui, humusationfrance.org. Très et bien. Puis nous sommes ici, nous avons un stand, le stand de G13. Pour ce week-end. Voilà. Alors on a parlé de Pivert, Terre Vert, Jean-Marie. Parlons aussi de ce collectif qui vient tout juste de se créer. Autre démarche là, c'est qui rejoint en tout cas, j'imagine, l'ensemble de ces idées, mais présentation du collectif et de cette intention. Tout à fait. L'idée principale de ce collectif, c'est cette création de coopératives funéraires. Alors qu'est-ce qu'une coopérative funéraire? Il y en a 9 aujourd'hui qui pratiquent officiellement. Il y a une fédération qui est en train de qui s'est créée, dont je fais partie. Ce principe, c'est un choix. Nous, on est la dernière pièce du carrosse, c'est-à-dire que tout a été réfléchi. Enfin, on va permettre aux gens. On est une pompe funèbre, ni plus ni moins. La seule différence d'une coopérative, c'est qu'elle appartient à ses coopérateurs. Donc il y a une transparence, on le voit bien dans le mouvement aujourd'hui actuel national, on nous l'expliquait bien, le rachat par des grosses sociétés, il y a eu des investissements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les papy-boomers arrivent à un âge où le nombre de décès va augmenter. Donc il y a un marché qui pèse, je parle de chiffres, mais 2,5 milliards, qui va augmenter. Il y a un gros marché là-dedans. Donc il y a des investisseurs. Et c'est vrai, nous, on va amener cette possibilité de choix qui n'est pas toujours évident, même si aujourd'hui ça évolue sur choix du temps, choix de plus d'écologie. Mais si je reviens sur les règles, il y a 2 choix possibles. Inhumation, crémation, mais on oublie toujours le 3e choix, qui est le don de son corps à la science. C'est et je ne sais plus qui disait ça. Dans toute sa vie, on a un choix multiple de choses, et quand on meurt, il nous reste 2 choix. Et nous, on veut faire évoluer ce domaine-là. Et plus on sera nombreux, plus on pèsera sur les lois du funéraire. Alors comment fonctionnerait une coopérative telle que vous l'envisagez ? Donc il s'agit de prendre des parts, d'être associé, d'être coopérant. Hein, c'est finalement. Ça. Donc c'est ça veut dire quoi ? On se projette justement au seuil de sa disparition et on se dit je vais contribuer et donc alors il y a deux principes hein, comme un principe associatif, mais c'est une part d'une société hein. On sera SIC hein, parce que l'obligation aujourd'hui de la fédération c'est d'être une société d'intérêt communautaire, une SIC. Souvent on entend parler de SCOP, mais là c'est une SIC. Et l'idée, c'est d'avoir part à cette société, ce qui ouvre toute cette formule. Enfin, on sent bien que c'est un moment difficile de sa vie, souvent pris de court. Et comme le disait Brigitte. Et on fait des choix. Il faut faire des choix rapides. Souvent, ils sont très coûteux. Et on ne sait pas la loi. On ne sait pas l'obligation. Nous, on va faire de l'information. C'est ce qu'on fait déjà. Et tout ça, ça permet le jour J d'avoir quelque chose de plus fluide. D'accord. Voilà. La coopérative est lancée ? La coopérative n'est pas lancée. Exactement. Nous avons créé une association, c'est ça, ce collectif en terre vert. Ce collectif organise des cafés mortels tous les troisièmes jeudis du mois au remue-ménage. Le café mortel, je le dis en deux mots, je me dépêche, vous ne m'avez pas laissé beaucoup de temps. Deux minutes. Un café mortel, c'est un sociologue suisse qui s'appelle Bernard Crétaz qui a inventé ça il y a 20 ans. Et il disait que la mort faisait plus partie de nos vies, c'était quelque chose qui était devenu tabou, et le meilleur endroit pour en parler, c'était le café. Et donc, nous, on a relancé, on est sur son principe, et moi, comme j'ai travaillé depuis très très longtemps avec les enfants, je me suis dit, pourquoi les adultes auraient un temps et pas les enfants ? Donc j'ai créé les goûters mortels, voilà. Voilà, pour tout public, donc, des sortes de café-débat autour de la thématique de la mort, finalement, hein, tout simplement, proposé donc régulièrement par En Terre Vert. On aura l'occasion de se retrouver, j'imagine, un moment ou un autre, localement, pour davantage explorer aussi ce travail et cette démarche. J'imagine, Brigitte, que vous aviez eu écho hein, de ces démarches et alternatives possibles et que vous avez relaté au sein de votre ouvrage. Oui, tout à fait. Mais là, on va se retrouver pour le temps de la conférence. Et, donc Florence va intervenir et Jean-Marie aussi, après à la présentation du funérailles écologique. Et je voudrais juste dire qu'il y aura une signature avec la librairie à 16h, donc sur le livre Funérailles écologique. Voilà. Merci à tous et à tout à l'heure. Et oui, merci, parce que si vous suivez le direct, en effet, nous sommes sur Tatou Juste Parc Expo et que Brigitte, Jean-Marie et Florence vont se diriger vers l'espace conférence pour précisément cette conférence à 14h sur cette thématique des funérailles écologiques, titre de cet ouvrage de Brigitte Lapouge-Desjean, paru aux éditions Terre Vivante. Merci beaucoup à vous. On va terminer en musique avec une petite sélection musicale associée. En effet, la mort fait partie de la vie. Hein. Et alors précisément, un titre qui évoque la mort, qui nous accompagne finalement, je dirais, au jour le jour, où quasi minute par minute, on peut disparaître à tout moment, d'un moment à l'autre. Cet artiste-là, Vic Chestnut, a écrit ce titre, expliquant comment il flirtait lui-même sans cesse avec la mort. Il l'a écrit pour son dernier album, il est décédé quelques temps après précisément, ça s'appelle « Flirted with you all my life », « J'ai flirté avec toi toute ma vie ». Il parle de la mort bien entendu dans son dernier album « At the Cut » qui date déjà maintenant de 2009. On écoute ceci et on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau temps de rencontre. Self-aware, and everywhere I go, you're always right there with me. I've flirted with you all my life, even kissed you once or twice. And to this day I swear it was nice, but clearly I was not ready. touched a friend of mine. I thought I would lose my mind, but I found out with time that really I was not ready. No, no. Oh, death. Oh, death. Oh, death. Really, I'm not ready. Death, you hector me, decimate those dear to me, and tease me with your sweet relief. You are cruel and you are constant. When my mom was cancer sick, she fought but then succumbed to it. But you made her beg for it. Lord Jesus, please, I'm ready. Oh.